ici. Une tartine de houblon d'un format des plus grands, pour faire pire que les autres prétentieux que je suis. Les ricochets sont là pour moi. Les ricochets sont là, les ricochets sont là pour moi. Quand je voulus partir, un vieux près de moi va pas s'asseoir. Il me lance un regard qui me fit me rasseoir. Demande à danser tous mes souvenirs d'un soir. Les ricochets du mois d'août étaient dans ma mémoire. Les ricochets sont là pour moi. Les ricochets sont là, les ricochets sont là pour moi. Façonnant de mes mains les paumes de ton corps, dessinant dans les airs les senteurs du pays, je laissais mon vieillard s'endormir aux aurores, retourner titubé dans le haut de Paris.